Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre la solitude, une série de Pauline Maucor, réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a une idée d'avant le confinement, qui résonne encore plus aujourd'hui, alors que certains et certaines découvrent la solitude, dont d'autres ont déjà goûté, enfants, l'amertume, malgré l'argent de poche, les cadeaux, les moulures et le personnel de maison. Alors pour commencer, les personnages. Une fille unique, des parents qui bossent, une fille spectatrice, une autre des beaux quartiers, des nourrices, une mère malade, des parents absents et des enfants devenus parents à leur tour. Ensuite, le décor. Une terrasse, l'avenue Montaigne, la rue de Grenelle, la fête, les voyages, la fuite, l'anxiété, le luxe, l'aristocratie, des larmes, des tocs et l'internat comme une planche de salut. Aujourd'hui, deuxième épisode, de grand volume. C'était un grand appartement haussmannien, avenue de Friedland, une des avenues qui donne place de l'étoile. Je me souviens d'un lit à baldaquin, du taffetas. Ma chambre d'enfant, c'est une pièce où il y a une hauteur sous plafond assez folle. Une très grande chambre qui donnait sur la cour. Il y avait des grandes fenêtres en alcôve avec des verrières de couleur. Après, moi, je recréais toujours des espaces dans ces grands espaces parce que je me faisais des cabanes constamment dans mes chambres. Toujours avec un cahier, toujours à écrire, à dessiner, à me raconter des histoires. J'ai pas le souvenir de m'être sentie particulièrement bien dans ces chambres-là. On avait toujours des jolis appartements, j'avais des jolies chambres qui me plaisaient beaucoup. Puis ma mère, elle m'avait acheté un très beau lit à baldaquin. Non, ça, j'aimais beaucoup mes chambres. Quand même un sentiment de... pas complètement à l'aise. Par contre, l'endroit où j'aimais pas être, c'était à l'école. J'étais jamais, en fait, à ma place. On avait un niveau de vie complètement différent, donc moi, j'étais pas appréciée pour ça, et j'étais terriblement seule. Et il y avait une coiffeuse dans la salle de bain, le parfum, le maquillage, tout ce qu'il faut. Après, c'est pas pour autant que mon image à moi-même et tout ça était en paix tous les matins. J'aurais pas survécu sans cahier. La boîte là, qui est là-haut sur l'étagère, ça c'est que des cahiers, ça. J'écrivais la vie que je voulais avoir. Se construire seul, la misère affective des gosses de riches. Pauline Maucor et Véronique Samuilov. Je me souviens, je m'enfermais dans les toilettes parce que je savais que dans les toilettes, on ne pouvait pas vraiment venir vous chercher. Et il y avait ce carrelage au mur avec des fleurs. Et j'enseignais des leçons à ces fleurs qui devenaient peut-être des élèves. Il y a plein de cahiers où donc il y a ces photos qui sont découpées de, je sais pas, mon père, ma mère, mes frères, mes grands-parents. Et puis il y a des légendes en dessous qui sont complètement fausses, quoi. J'écris des noms de vacances, je sais pas, genre Porquerolles, patatin, patatin. Je ne sais même pas si c'était Porquerolles, je ne sais pas quelle année c'était, mais j'avais besoin de d'écrire mon histoire, quoi. Bienvenue dans l'univers doré des nantis, des aristos, des privilégiés. On dit qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. On a tendance à croire qu'ils ne manquent de rien. Pourtant, la solitude ne connaît pas de frontières de classe et peut transformer le mets le plus raffiné en poison. Julia, Mary Royer, Violaine Huissement et Aurore soulèvent le taffetas lourd de leurs enfances flamboyantes. Elles nous font visiter la cage dorée de leur adolescence et comment elles sont parvenues à en réchapper. Je suis née à Lausanne, en Suisse. Ma mère était journaliste. À l'époque, elle présentait le journal de, je crois, 5h30 ou 6h. J'avais un papa qui commençait sa carrière, donc qui avait énormément de pression. Mon père travaillait dans la finance. Il avait presque un rôle de maman le matin avant d'arriver, ce qui n'était pas facile. Puis il avait une épouse qui se couchait à 19h, parce qu'elle se levait à 2h30 du matin. Donc, j'avais une maman qui était très, très épanouie dans sa carrière, qui aimait beaucoup ce qu'elle faisait. Donc voilà, le week-end, elle donnait des dîners, elle se couchait à 4h du matin, se relevait à 7h. Voilà, elle vivait malgré son travail qui était extrêmement prenant. Mais évidemment, je pense que pour leur vie de couple, c'était pas facile. Une chose en entraînant une autre, à l'âge de 8 ans, mon père est parti de la maison. Ça, ça a été un premier gros traumatisme. Et puis, je crois, une année plus tard, ma maman a eu l'opportunité de partir à Genève. Là, elle a eu un poste qui était très intéressant parce qu'elle était correspondante à l'ONU. Puis là, elle est vraiment devenue reporter de guerre. Donc, c'était une maman qui voyageait beaucoup, qui voyageait dans des zones à risque. Moi, j'ai toujours grandi avec beaucoup de confort. Mais c'est vrai qu'il y avait, j'avais des parents très pris par leur carrière. Vous étiez fille unique ? Fille unique. J'ai grandi dans une famille où les parents étaient divorcés. Donc la semaine quelque part, le week-end ailleurs. Du côté de ma mère, on habitait dans le 6e, rue de Grenelle, en toute décontraction, dans un appart où il y avait un escalier. On arrivait sur un premier étage, genre ouf, avec une terrasse. Je pense que j'ai mis pas mal de temps à réaliser à quel point ça avait été démesuré de grandir dans un endroit comme ça. Et du côté de mon père habitait dans un appartement avenue Montaigne qu'il avait pris avec ma mère avant qu'il divorce. Et c'était aussi un très grand endroit, pas de petites pièces quoi. Voilà. Et vos parents, ils faisaient quoi comme métier ? Ma mère donc dirigeait un très gros magazine quand j'étais toute petite. Elle dirigeait Vogue, voilà. Donc avec toute la vie qui va avec, les défilés, la Fashion Week. Les potes connus. Et puis à côté de ça, mon père, lui, il travaillait dans la pub. Ah, vraiment, le couple des années 80, quoi. Voilà, il s'éclate. Hein. Ma mère, c'était la fête, quoi. Je la voyais, j'avais l'impression que sa vie, c'était une teuf. Je sais pas, elle arrivait. Elle l'est toujours, d'ailleurs, hyper charismatique. Mais en tant qu'enfant, moi, ça m'envoyait un truc hyper fort, genre la liberté, quoi. La liberté, la fête, la clope au bec, toujours entre deux voyages. Je sais pas, elle arrivait un peu comme dans les comédies musicales, tu vois, genre tout est calme. Et puis elle arrive et boum, tout le monde se met à danser, à chanter. Enfin, il y avait un truc, j'ai jamais vu ma mère de mauvaise humeur. J'ai grandi en voyant quelqu'un qui s'éclatait à taffer. Je sais pas, elle était embarquée dans un train qui allait plus vite que celui d'être maman. T'es là, tu diriges un magazine de ouf, ça brille, ça scintille. Je sais pas, elle part interviewer Nelson Mandela, elle part 3 semaines en Afrique du Sud. J'ai 6 piges, c'est un truc de ouf. Elle me fait écrire une lettre à Mandela. Enfin, tu sens bien que sa vie, c'est presque l'histoire, quoi. Enfin, c'est fat. La meuf, rien ne l'arrêtait. Donc, bon, moi, j'étais là dans ma cabane, je regardais ça. Mais si elle avait du temps pour me raconter des histoires, c'était ouf, quoi. Je prenais ça comme... Voilà, tout ce qu'elle avait à donner, je le prenais puissance 1000. Et puis après, moi, je me refabriquais des histoires. J'ai grandi à Paris, dans des beaux quartiers, d'abord dans le 8e arrondissement, ensuite dans le 7e. Je vivais avec ma sœur, qui avait 2 ans de plus que moi, et avec des parents extrêmement aimants, extrêmement fantasques aussi, très bordéliques, qui vivaient beaucoup à l'extérieur. Mon père était très occupé, il a ouvert des écoles de communication, ce qui était très novateur dans les années 60. Donc, il a très bien gagné sa vie, donc on était très aisés, on avait une vie très confortable matériellement. Ma mère était en partie femme au foyer, après elle a monté une école de danse. Mais elle suivait beaucoup mon père aussi, donc il sortait énormément. Et ma mère me racontait souvent que quand j'étais toute petite... Quand elle sortait avec notre père le soir, elle essayait de nous coucher d'abord. Et elle faisait semblant de rester là, donc elle dînait avec nous. Elle se mettait en pyjama, elle faisait vraiment tout le protocole pour être sûre qu'on ait vraiment l'impression qu'elle reste. Et ensuite, discrètement, elle se changeait et elle partait retrouver notre père. Et donc, tous les soirs, à chaque fois qu'elle sortait, je vomissais. Et... Après m'avoir emmené voir d'innombrables médecins en leur demandant ce que j'avais, ce qui se passait, etc. Et que finalement, le dernier médecin lui avait expliqué que c'était probablement un phénomène psychologique, que voilà, que je me faisais vomir exprès. Ma mère m'a expliqué qu'elle m'avait attrapée, tout habillée, mise sous une douche glacée, collée une raclée, et que je n'avais, à partir de ce jour, plus jamais recommencé. Donc je pense qu'assez tôt, je devais assez mal vivre son absence ou ses absences. Je me souviens de beaucoup de larmes en fait dans mon enfance. J'ai le souvenir du goût de ses larmes d'une façon très, très intime, très forte. Est-ce que vous pourriez nous décrire dans quel milieu vous avez grandi ? Il y avait un cadre avec, des horaires respectés par à peu près tout le monde tous les soirs, enfin pour les repas, et puis des employés qui sont là pour le ménage, pour la cuisine, pour le linge, pour aider ma mère à faire en sorte que tout roule. On était 3 enfants. Une vie assez cadrée, en fait, avec des activités le week-end, des destinations de vacances, de rêve, toujours dans un grand luxe et un service 4 ou 5 étoiles, avec souvent une dimension sociale très importante, c'est-à-dire l'entourage de mes parents sont des gens qui ont une carrière, un destin, une personnalité très marquée et souvent toute la reconnaissance qui va avec. Un petit peu tout. Surtout politique et artistique aussi, journalistique. Enfin, franchement, assez large. Et la seule chose qui importe, finalement, c'est l'agenda de mon père. Tout est organisé en fonction de son travail, qui est donc une priorité absolue. Et tout doit suivre autour. Et il y a 3 femmes dévouées 12 heures par jour. Ma mère, sa mère et la secrétaire de mon père. Voilà, plus tout un personnel autour, cuisinier, chauffeur, etc., qui agence tout le reste, quoi. J'ai pas beaucoup grandi avec mon père, donc en fait, je sais pas beaucoup de choses de sa vie. Mes parents sont séparés. Voilà, moi, j'ai moins vu mon père, quoi. J'étais plus avec ma mère et mon beau-père. Ah, et mon beau-père était un digne aristocrate, avec tout ce qui va avec, les petits foulards en soie, toujours une pochette dans sa veste, un chauffeur, un Merco, un téléphone dans le Merco avec le chauffeur, les cheveux coiffés en arrière, qui font des petites boucles derrière. Enfin, un truc, voilà. En tout cas, l'aristo de chez Aristo. Et lui, il était homme au foyer, quoi. Donc ma mère allait charbonner, elle avait cette vie à 1000 à l'heure, et lui, il était à la maison, il s'occupait de nous, il nous emmenait à l'école, il venait nous chercher, enfin, voilà. Mais il était tout le temps là, quoi. Il était tout le temps à la maison. Il avait peut-être pas besoin de taffer non plus. Donc finalement, vous n'étiez pas seule. Alors, quand mes parents divorcent, j'ai 2 piges. Mes frères, ils ont 12 et 16 ans. Ils choisissent d'aller habiter avec mon père. Et je me retrouve donc toute seule dans cette nouvelle famille qui se reconstruit, avec ma mère qui vit à 100 à l'heure et mon beau-père qui est à la maison. Mais il s'est très bien occupé de moi, mais c'était pas mon papa. Et dans ces familles bourgeoises, il y a souvent des employés. Donc mon beau-père avait son chauffeur, c'était son acolyte. Et puis ma mère, elle avait Maria. Maria, c'était son bras droit. Maria, c'était son alliée, celle qui allait s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison, quand elle pouvait pas le faire. Et après, c'est devenu ma nounou. Et donc, je passais ma vie avec Maria. C'était ma gossure, quoi. C'était celle qui venait me chercher à l'école. Ma mère, elle avait pas le temps, quoi. Maria habitait chez nous, au rez-de-chaussée de cet appartement rue de Grenelle. Elle était à dispo H24. Et je passais beaucoup de temps dans sa vie à elle. J'allais en vacances au Portugal chez elle. Je passais mes mercredis après-midi chez sa sœur qui avait un appart rue de Varennes. C'est comme ça que j'ai appris le portugais aussi. Mais il y a un truc où tu sens bien que t'as un paquet contre un bal. Tu passes la semaine là, et puis après tu vas passer le week-end chez ton père, mais il y a des tensions pas possibles. Donc, t'es un petit paquet contre un bal, quoi. Et qu'on dépose, et puis attention, il faut sourire, il faut machin. Et moi, j'étais pas cette gosse-là, quoi. Moi, je faisais la gueule, ma passion s'était boudée. J'aimais pas mettre des jupes, j'avais pas trop de copines. J'étais très solitaire. J'ai eu en fait une nourrice depuis l'âge de 2 ans. Donc cette femme a énormément compté pour moi. Ça a été une présence bienveillante, fantastique. Elle a pris le relais maternel quand il fallait. Mais elle n'était pas tout le temps là non plus. Et puis il y a mon grand-père aussi, qui lui est venu par exemple pendant les élections américaines. Je crois que le Rwanda, c'est Lulu qui l'avait couvert. Sarajevo, c'était Lulu aussi. Enfin voilà, chaque grand conflit, guerre du Golfe, je ne sais plus qui c'était. À chaque grand conflit, il y avait Lulu la gouvernante, votre grand-mère ou votre grand-père qui prenait le relais de votre mère. Exactement. Et puis, non mais elle m'a énormément apporté parce qu'elle venait pas que pendant les voyages. Oui, elle était là aussi, par exemple, elle faisait les rentrées, c'est elle qui couvrait tous mes livres. Elle partait parfois en voyage avec nous. Puis c'est devenu une amie de ma mère. Donc le soir, elle buvait un whisky, elle parlait. Elles avaient ce lien très fort à travers moi. Et Lulu lui disait à l'époque, Catherine, vous allez pleurer des larmes de sang avec votre fille. Parce qu'elle voyait que ça partait pas d'un bon pied. Donc elle a essayé de donner tout ce qu'elle pouvait pour mon éducation, de pallier quand ma mère arrivait pas, quand mon père n'y arrivait pas. Et puis elle est décédée, j'avais 25 ans. Elle avait une vie de famille, Lulu ? Aucune. Elle a travaillé toute sa vie, elle a travaillé pour 3 familles. Elle disait « mes enfants, c'est les enfants que j'ai élevés ». Moi j'étais sa petite dernière. Pratiquement d'aussi loin que je me souvienne, il y avait des nourrices qui ont remplacé ma mère, en fait. Mais ça, c'était très humiliant parce que on se retrouve parqués avec des gens qui vont pas bien, qui vous détestent en secret et qui ont des bonnes raisons de vous détester aussi. Parce qu'ils ont des vies ultra dures, qu'eux, ils sont privés de leurs enfants, eux, ils sont en train de donner leur vie, leur temps, leur énergie pour ramasser un petit peu d'argent qu'ils vont envoyer je sais pas où, je sais pas qui. Donc, leur demander d'être heureux et de vous donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est peut-être beaucoup, en fait. Et moi, en l'occurrence, j'ai eu des nourrices qui étaient maltraitantes. Notamment une qui était polonaise, qui avait fui la guerre dans son pays et la prostitution, qui était complètement fracassée. Et d'un côté, je l'aimais énormément parce que c'était la seule personne qui s'occupait de moi. Et d'un autre côté, je la haïssais parce qu'elle était super violente. Et je pense que dès que mes parents avaient le dos tourné, elle me tabassait. C'est un cauchemar. Donc le sentiment de solitude, il est né du fait d'être seul, du fait d'être parqué avec des gens qui partagent pas votre culture, qui n'ont pas été instruits, et du coup avec lesquels vous pouvez avoir des échanges qui sont quand même très restreints. Et ce décalage-là d'être d'un côté à table, de voir des gens qui sont surlettrés, surinstruits, des ministres, et vous, vous êtes parqué avec des gens qui sont à l'opposé, l'extrême opposé même. C'est compliqué, quoi. Et tout présenter le visage d'une réussite totale et d'un cadeau pour vous. Mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment un cadeau là-dedans ? Il est où le cadeau ? Enfin, avec du recul, je pense pas que les vrais cadeaux, ils soient là. J'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Mais je crois que j'avais besoin que ça vienne de quelqu'un de ma famille et qu'on s'intéresse à moi, qu'on me donne du temps, qu'on ait des jeux très, très infantiles, où vraiment on fait rire l'enfant bêtement, on met une robe de princesse, on s'amuse. Ma mère, elle rentrait le soir, soit elle était en voyage, donc elle voyait des choses atroces, quand vous rentrez du Rwanda, que vous avez vu des choses épouvantables, vous n'arrivez pas à vous asseoir, jouer sur la moquette, se déguiser en princesse, rigoler, vous ne pouvez pas avoir de l'insouciance. Donc elle n'a pas réussi à me, je pense, à me donner cette vie d'enfant, tout simplement, et du coup à me cadrer en fait. Puis moi j'étais une enfant qui cherchait beaucoup les limites, et du coup ça a été très compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de larmes qui ont été versées. Malgré notre relation, on a une très très belle relation parce qu'elle est très intense, mais tout était trop. Donc j'étais son amie, j'ai été sa bouée de sauvetage aussi quand ça allait pas. Donc c'était pas... Voilà, elle avait des dîners chez des amis, elle me disait « je vais t'emmener, ça va être sympa ». Donc je discutais dans l'idée, c'est sympathique, mais je n'arrivais pas à voir la routine d'un enfant qui peut se consacrer à des choses d'enfant. J'ai des souvenirs très vifs de courses avec mon père. Je disais à mon père, s'il te plaît, papa, arrête d'acheter des choses, parce qu'on était à la pâtisserie et on n'avait pas un gâteau ni deux gâteaux, mais 5 gâteaux et un sac entier de viennoiseries et 14 baguettes. Et c'était une espèce d'accumulation complètement exubérante. Mon père m'a rappelé, et ma mère me le rappelait aussi, que je pleurais régulièrement à Noël parce que j'arrivais pas à ouvrir tous les cadeaux assez vite et que ça énervait beaucoup mon père. Il y avait des telles montagnes de cadeaux que c'était complètement asphyxiant. Et en fait, je supportais pas les cadeaux. Et je me souviens très bien, pour le coup, parce que ça a duré tout au long de mon adolescence, où à chaque fois qu'on rentrait dans un magasin et mon père me proposait d'acheter littéralement toute la boutique, je ne voulais rien. Et il y avait régulièrement des vendeuses qui venaient me voir pour m'expliquer que vraiment, toutes les filles rêveraient d'avoir un papa aussi gentil et pourquoi je voulais pas de cette jolie robe et de ce joli manteau. Et c'était des scènes ahurissantes parce que je finissais en larmes, mon père était hystérique, c'était complètement fou. J'avais l'impression que les cadeaux étaient une manière de se racheter et j'en voulais pas. Je voulais l'authentique, pas le placebo. Mes parents n'avaient pas le temps, par contre, ils gagnaient bien leur vie et je pense me mettaient à disposition ce qu'ils pensaient être le mieux pour moi en se disant, bon bah, on n'est pas tout le temps là, mais au moins on peut lui faire profiter de choses sympathiques. Et je surconsommais tout. La nourriture, les activités, les habits, les spectacles, tout. Tout était en surconsommation parce que j'avais besoin presque de m'enivrer pour arriver à survivre. J'étais tellement seule. Alors, je m'étais, oui, mis dans l'équitation, puis au bout d'un an, je disais, oh, finalement, je crois pas que c'est pour moi, un peu peur du cheval au galop. Et puis, voilà, et de nouveau, c'était l'image de l'enfant dont on a acheté tout l'équipement, on a offert les cours particuliers, on a ci, on a là, puis elle a arrêté. Ce qu'on mettait à disposition, j'avais l'impression que c'était majoritairement des moyens pour faire des choses, mais ça compensait pas suffisamment. Émotionnellement, on vit pas de ça. Après le moment d'absence le plus terrible de mon enfance, c'est le moment où ma mère a été hospitalisée de force à l'hôpital Sainte-Anne pour psychose maniaco-dépressive, comme on le disait à l'époque. Et à ce moment-là, en fait, aucun des adultes autour de nous nous ont expliqué ce qui se passait. Ma sœur et moi avons été brinque-ballées comme ça chez nos grands-parents, ensuite chez des amis, finalement chez notre père. Mais pendant des semaines entières, on ne savait pas du tout où était maman, ce qu'elle faisait, pourquoi elle n'était pas là, pourquoi on ne pouvait pas lui parler. J'avais à ce moment-là 10 ans. Et son absence à ce moment-là a été vraiment une peine, une douleur insurmontable parce que j'avais l'impression qu'elle était morte. Et par la suite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est revenue, mais elle est revenue éteinte du fait de... Déjà de sa maladie et ensuite des traitements neuroleptiques qu'elle avait pris et qu'elle continuait à prendre après pendant des années. Et ce qui était très dur, en fait, par la suite, c'est que il y avait quelque chose dans ses yeux d'absent. J'avais plus vraiment de maman. J'avais une mère qui essayait tant bien que mal de jouer les mamans, mais qui était surtout une femme... extrêmement troublée et en détresse et qui luttait contre la maladie. Moi, j'ai fait beaucoup de chutes. Je me suis cassé beaucoup de choses. À 7 ans, où je me suis cassé le bras. À 12 ans, je me suis cassé le pied. Je me suis cassé les doigts plus tard. Enfin, j'ai eu le sentiment d'avoir passé que mon enfance et mon adolescence ont été rythmées par des chutes et des fractures. Parce que c'était le seul moyen d'expression que j'avais pour dire « Aïe, j'ai mal ». Enfin, je croyais que c'était le seul moyen qu'on s'occupe plus de moi. Et vos parents s'occupaient plus de vous à ce moment-là ? Non, non. En fait, rien ne les a fait changer. Il y a même eu un épisode très, très sombre de ma petite sœur qui, elle, est allée en, très, très loin dans l'autodestruction. Ça les a pas fait bouger non plus. Rien ne fait bouger le cadre. Rien. Vous vous sentiez abandonnée ? Abandonnée, profondément. Je me suis fait du mal aussi, parce que quand on s'abandonne, ben, et qu'on trouve pas d'écho et de réponse, on se tourne vers l'autodestruction, et totalement instrumentalisé, puisqu'il faut de toute façon répondre à un rang. Le public et l'image extérieure sont tellement importants. Il y a toute cette oppression tyrannique et totalitaire qui est totalement étouffante et qui fait que vous ne pouvez que tomber malade. Et vous avez pu en parler de ça avec vos parents ? Ils n'entendent rien. Ils réagissent comment ? Le déni. Ils vous disent que c'est vous le problème. Voilà, c'est moi le problème. Soit c'est l'ingratitude, de quoi tu te plains, de quoi tu manques, t'as tout ce qu'il te faut, t'as ci, t'as ça, y a ci, y a ça pour toi. Soit on va souligner une incapacité chez moi. Et vous, vous êtes perçue comme une menace, un adversaire qui vient contrer le système, qui vient contrer l'ordre établi. Au bout d'un moment, quand on est enfant, on crie, on hurle ça. Donc j'ai très très longtemps louvé, j'allais dire, hurlé comme une louve. Pour qu'on entende ce cri qui vient du fond. Et c'est un cri d'enfant. Ça se passait jamais très bien quand on attirait l'attention sur soi. Et là, que ce soit mon père ou ma mère pour des raisons différentes, mais l'un et l'autre attendaient qu'on s'occupe d'eux plus que l'inverse. Donc il fallait essayer de leur plaire, surtout. Et dans l'ensemble, on a essayé, ma sœur et moi, de filer droit, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop fait remarquer, en fait. Vous aviez peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur ? Oui, beaucoup. Et à la hauteur de quoi, alors ? À la hauteur de l'amour que notre mère demandait de nous. Qui était un amour inconditionnel et avec toujours la peur qu'elle sombre à nouveau. C'est arrivé assez régulièrement qu'elle se fasse hospitaliser. Et c'était toujours des périodes qu'on redoutait avec ma sœur. Enfin, on essayait toujours de la maintenir à niveau, d'essayer qu'elle sombre pas trop bas. Mais après, c'était un constat d'impuissance permanent de savoir qu'on ne pouvait pas contrôler ses humeurs. J'étais passée d'une école privée à une école publique. Donc tout d'un coup, j'étais un peu un ovni. J'étais pas comme tout le monde. C'est-à-dire ? Il y avait par exemple des enfants dont les parents étaient concierges d'immeubles, etc. Donc on avait un niveau de vie complètement différent. Donc moi, j'étais pas appréciée pour ça. Je me suis fait jeter des copeaux dessus. Je me faisais traiter tous les noms à la récréation. J'étais jamais en fait à ma place. Jamais. Je l'ai très mal vécu. Je rentrais de l'école, je crois que ça devait être vers 16h. Ma mère rentrait tous les soirs à 19h30. Donc il y avait quelqu'un à la maison qui s'occupait de la maison, mais qui ne pouvait pas réellement s'occuper de moi. Il y avait 3h30 de temps où j'étais seule, où j'étais terriblement seule. J'avais pas vraiment d'amis. Et à l'époque, je disais aux filles de ma classe, je leur disais, venez, j'achèterai moi des glaces à l'eau, on ira au magasin, je les achèterai, je vous en donnerai. Et comme ça, on fait quelque chose ensemble. J'étais même pas à un stade de chercher une réelle amitié. Tout ce que je voulais, c'était avoir une présence physique qui ne soit pas quelqu'un qui s'occupe de la maison. C'était d'avoir quelqu'un avec qui discuter, avec qui rire, avec qui... Parce que j'étais terriblement seule. Vous proposez à vos amis de leur payer une glace ? C'est comme si vous deviez acheter leur amitié. Oui, oui, complètement. Alors moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vraiment de limite de budget. C'est-à-dire que si je disais à ma maman, on va faire un cinéma avec des copines, ensuite on ira dîner, que ce soit, je sais pas, dans une restauration rapide ou un restaurant, elle me disait pas de problème, je te donne l'argent. Pour moi, c'était un outil parmi d'autres. Donc je rentrais à la maison et puis il y avait la nourriture qui prenait le rôle de petit compagnon. Donc ça terminait devant la télé et puis manger des chips et des gâteaux. Parce que c'était rassurant de se dire, je vais être devant la télé avec quelque chose de bon, de sucré, qui va me donner un petit peu cette sensation voilà, d'être pleine. Alors j'étais pleine de nourriture, mais j'aurais aimé être pleine d'autres choses. Je ne le montrais pas à ma mère. Parce qu'avant qu'elle arrive, j'éteignais la télé. Parfois, je faisais même semblant d'avoir étudié. Je préparais des cahiers, je les mettais sur mon bureau, je rangeais la chambre. Voilà. Je préparais un foyer harmonieux. Elle arrivait et puis... alors, parfois, elle arrivait, ce n'était pas le foyer harmonieux. Hein. Parfois, j'étais en rogne, j'avais des crises de colère, etc. Mais la plupart du temps, j'essayais quand même de masquer ça. Les deux points qui trahissaient, un, c'était les résultats scolaires qui n'étaient pas excellents. Et c'est au fil du temps la prise de poids. Parce que quand vous mangez tous les soirs devant la télé des chips et des gâteaux, il y a un moment où vous ne pouvez plus cacher cette prise de poids. Et ça, ça devient extrêmement douloureux. Et puis là, c'est une spirale infernale. C'est-à-dire ? Bah, on rentre gentiment dans la boulimie. Et là, la spirale, quand elle est enclenchée, c'est très très compliqué d'en sortir. Et pourquoi vous aviez besoin de cacher votre mal-être à votre mère ? Parce que je crois que je me disais que quand il y a un moment de bon à prendre, il faut le prendre. Et que si je continuais à être malheureuse quand elle rentrait, ça voulait dire que toute ma vie était un cauchemar. Par exemple, alors ça rentrait aussi dans le programme boulimique, mais ma maman, c'est une bonne vivante. Donc parfois, elle me disait, bah, je t'invite à dîner quand je rentre ce soir, on va au restaurant, on allait dans un restaurant et on mangeait des super plats, on se faisait plaisir. Donc c'était des réels moments de plaisir. On prenait toujours un petit brio truffe à la fin qu'on adorait, on avait nos petites habitudes, on connaissait le responsable du restaurant, etc. Donc c'était très agréable. C'était une crise de boulimie déguisée pour moi. Mais je voulais pas que tout devienne désagréable. Donc du coup, je me disais, si je protège ces moments-là, je pense que c'était important pour moi aussi, parce que sinon là, on rentre dans la dépression. Et est-ce qu'il y a eu un moment aussi de fuite, de dérivatif, d'échappatoire ? Oui. Donc ça s'est expérimenté par le fait de manger trop, de prendre un peu de drogue aussi. Il y a eu un passage pas très long, mais quand même. C'est ce que je croyais être une solution, ça n'était évidemment pas une, mais... Je pense que c'est catastrophique d'avoir des moyens financiers entre les mains quand on est un enfant et qu'on va pas bien et qu'on est dans un cadre sclérosant. Ça vous met potentiellement dans la toute-puissance, surtout si le fonctionnement de la famille, c'est la toute-puissance. C'est-à-dire que là, c'est... Après, je pense que si on n'avait pas eu du tout, j'aurais viré délinquante. Hein. Je pense que j'étais en échec scolaire parce que c'était un moyen de mettre mes parents en échec, là où justement il y avait une obligation de réussite, et donc un moyen d'être un peu libre et indépendante finalement, parce que c'était un des seuls espaces où je pouvais dire ben non. Alors c'est moi qui le payais finalement, c'est pas très malin, mais j'avais l'impression que mon cerveau fonctionnait pas bien, parce que c'est pas t'es bête, t'es pas intelligent, tu comprends pas, c'est tu pourquoi tu fonctionnes pas comme un autre enfant qui crée pas de problème, ton frère crée pas de problème, pourquoi tu... Voilà, c'était plus ça. Et du coup, effectivement, à l'école, je me suis sentie pas à la hauteur. Avec les mains qui tremblaient, avec et en même temps, l'envie de bien faire et d'être une petite fille qui pose pas de problème. Donc, complètement tiraillée entre ces deux parts de moi et ces deux réalités. Moi, à l'époque, j'aurais appartenu à n'importe quoi. Les tatoués, les bikers, aisés, pas aisés, sous les ponts. Je voulais juste appartenir à quelque chose. Mais je me suis souvent dit que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à cette époque-là, voilà, surtout une jeune femme très vulnérable avec des moyens financiers, déjà vous avez accès à une vie d'adulte, hein. Je pouvais me faire plaisir sans demander à mes parents, disons. Si je voulais prendre un café dans un endroit agréable, que je voulais m'acheter des habits, que je voulais circuler plutôt en taxi qu'en métro, si tout d'un coup la cocaïne m'avait plu, j'aurais pu m'acheter ma cocaïne sans rien demander à personne rapidement. J'ai vu des jeunes filles de bonne famille qui se vendaient physiquement pour acheter leur cocaïne parce que les parents avaient dit « Écoute, maintenant, on te coupe les vivres. » Une fois qu'elles avaient vendu leur sac et compagnie, bah, il ne restait pas grand-chose. Donc, elles étaient avec des types de 60 ans, 65 ans à 15-16 ans. Ma mère m'avait dit « Tu peux fuguer, mais il faut toujours revenir. » quoi. C'est la règle. Et il faut s'excuser quand tu reviens parce que tu m'as fait peur. Bon, ok. Donc, je fuguais régulièrement. Je m'énervais. Ah, claque une porte. Eh, vous me faites tous chier. Hop. Je mettais des sneakers dans mon sac à dos. Je me barrais. Bon, quand il n'y a plus de sneakers, je revenais, quoi. C'était pas, ça partait, ça durait pas longtemps. Mais bon, à 15 ans, j'ai déjà des petits copains et tout. Donc, j'ai des endroits où je peux aller, atterrir. Je ne me tape pas des mecs de 15 piges parce qu'évidemment, j'ai envie de choquer. Donc, ils ont tous 10 ans de plus que moi, machin. Enfin, bon. Je pense à ma mère. J'ai mal au ventre. Bref. Donc, voilà. Je fume des joints. Je vole de l'oseille. À mes parents. Aux parents de mes copines aussi, j'en ai rien à foutre, j'ai pas de limite. J'arrive dans des apparts, je suis prête, limite à voler de l'argenterie, quoi. J'étais prête à tout pour avoir un peu d'autonomie, ce qui était débile, bref. Et j'ai une copine dans ma classe qui est nulle comme moi en cours, et ses parents lui ont dit ah, peut-être que ça pourrait t'aider d'aller à l'internat, tu bosserais mieux, tu serais plus encadrée et tout. Donc elle me parle de ce projet d'internat, et moi, la moindre case pour fuir, je dis « Ok, bah vas-y, chambé, je vais venir avec toi à l'internat. » Et ma mère, je pense qu'elle, elle a saisi l'occasion direct. Elle s'est dit « Quoi ? Mary veut aller à l'internat ? Allez, zou !» Parce que j'étais déjà bien chiante. Hein. Là où vous êtes sentie accueillie ? Grave. Je me suis sentie encore mieux que accueillie. J'ai senti qu'on avait des attentes. J'ai senti qu'on voyait mon potentiel. Et qu'on se disait « Bah, c'est dommage. Juste, on lui a pas encore montré comment développer ce potentiel. » Et d'ailleurs, ça a été ma seule année de toute ma scolarité où j'ai eu des très bonnes notes, où je me suis sentie hyper bien, où il n'y avait pas de problème à la maison, pas de problème à l'école. J'ai eu le droit d'être une adolescente. L'internat, formidable. Il n'y avait que des enfants brisés. Un délice. Que des gosses de riches, bien sûr. Bah, déjà le prix, quoi, pour rentrer. Je ne sais pas combien ça coûtait, mais un putain de bras, hein. C'était un internat international, donc il y avait beaucoup d'enfants, des enfants de diplomates, de, je sais pas, de haut gradé, de machin et tout. Donc, ton voisin de classe, bah, il est ivoirien, ton autre voisine, elle est russe. Ton... Et eux, ils sont encore plus seuls que toi parce que le week-end, ils ne rentrent pas en Russie, quoi. Le week-end, ils ont un appartement, boulevard Courcelles, tout seul. On a 14 piges, quoi. Et donc, votre mère décide de vous envoyer à Paris ? Exactement. Ils ont préféré l'option internat. L'Ermitage à Maison Lafitte, où là, tout s'est mis en place. J'ai rencontré un professeur fantastique, Monsieur Pierre Nabé, qui était le directeur de l'école. Et puis, je me suis retrouvée avec une chambrée fantastique et un corps professoral merveilleux. Je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai goûté à la bienveillance, à un cadre plus ou moins strict, mais qui me convenait très bien. Mais c'est vrai que tout était centré sur nous. Ils avaient tous envie qu'on réussisse et qu'on soit heureux. Pas seulement qu'on réussisse, mais qu'on soit heureux. Et c'était pas une boîte à bac qui disait, bah voilà, on voit à partir de janvier comment ça se passe, puis si janvier c'est compliqué, nous malheureusement on pourrait pas les garder. Ils voulaient que tout le monde réussisse. Ces gens étaient ma famille. Et moi, ils m'ont vraiment réparée. Au bout d'un moment, on lâche l'affaire et puis on se barre ailleurs et on fait son chemin ailleurs. Tout simplement. Je me suis émancipée dès que la loi me l'a autorisée. J'ai mes 18 ans dans la capitale et puis j'ai évolué pendant près d'une vingtaine d'années dans l'apprentissage de différents métiers. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez rencontré une personne qui vous a aidé dans votre construction, qui s'est substituée à la présence et à l'amour des parents ? Une en particulier qui a vraiment été capitale, et c'est le mot, dans ma survie, je dirais. Elle m'a tout donné, cette femme. C'est elle que vous voyez sur le cadre derrière. Elle est très souriante. Hein. Elle est très souriante, elle est très lumineuse. Elle, on s'est rencontrés, j'avais 10 ans. Elle avait quel âge ? Elle avait 30 ans. C'est ma mère de substitution. Elle m'a fait un super accueil, je ne sais pas pourquoi. Et cette femme est quelqu'un qui aime transmettre et qui est très pédagogue. En même temps, elle était aussi anticonventionnelle. Elle m'a élevée au sens propre du terme. On dit élever un enfant, mais elle a élevé mon esprit partout où elle pouvait le faire, tout le temps, avec patience. Ça, c'était incroyable de bénéficier de ça. Après, c'est une rencontre que j'avais demandé à Dieu dans mon fort intérieur. À l'âge de 7 ans, j'ai compris que ma famille n'allait pas me fournir ce dont j'avais besoin par rapport à ma quête d'authenticité. Donc, merci mon Dieu d'avoir été entendu à cet endroit-là. Des psychologues ont étudié les conséquences de la séparation sur les jeunes enfants, des orphelins ou des enfants gravement malades. Sans la constance d'une figure stable et affectueuse à laquelle le jeune enfant peut s'attacher, certains se laissent mourir. D'autres n'apprennent jamais à marcher ou à parler. Tous manifestent de graves troubles de comportement. Pour fabriquer de l'humain, il faut le contact du corps, sa chaleur, son odeur, le bruit de son souffle, les fluctuations de sa voix, le bout de ses doigts, le goût de ses lèvres. De même, ma sœur était persuadée qu'elle devait son propre salut à ma naissance, 22 mois après la sienne. La permanence de ma présence, le simple fait de mon existence l'avait secourue avec évidence. On s'est souvent dit avec ma sœur qu'on ne s'en serait pas sortis d'une sur l'autre. On a un lien très fort et très intense. Il y a des études qui ont été faites par un psychologue anglais qui s'appelle John Bowlby sur la figure de l'attachement et qui dit qu'un frère ou une sœur, même à un très jeune âge, peut représenter une figure d'attachement qui peut sauver la vie à un enfant, à un être humain. Parce que cette figure d'attachement, en fait, est fondamentale pour le développement humain. À l'internat, dans ma chambre, il y avait donc Alice, avec qui j'étais à l'école alsacienne, Juliette et Marine, je crois, voilà, enfin des Juliettes, des Marines, quoi, et une cinquième meuf, qui s'appelait Charline, enfin qui s'appelle Charline, qui était un peu l'ancienne, elle était là depuis la sixième, et elle a un fort caractère, ça se voit qu'il faut pas rigoler avec elle, c'est des lits superposés et tout, et là Charline dit « j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans, je me suis fait dépuceler à 13 ans, j'aime pas qu'on me fasse chier. Mais attention les filles, quand je craque, je craque. Maintenant, vous me dites, vous, qui vous êtes, quoi. Ah putain, ah, d'accord, ok, quoi. Tout de suite, je me suis dit, putain, enfin, je suis avec des gens qui... Ouais, qui ont vécu des trucs... Ça m'émeut un peu parce que c'est ma pote encore aujourd'hui et que nos vies n'ont pas du tout été faciles. Peut-être c'était ça nos meilleurs moments. Pardon. Charline et moi... On s'en doutait pas quand on avait 14 piges et qu'elle s'est présentée dans cette chambre. Mais en gros... Enfin, avec Charline, on s'est toujours dit la vie, elle a été tellement dure avec nous. Évidemment qu'en vitrine, autant elle que moi, on paraît être des meufs pleines d'entrain, pleines d'énergie, on a peur de rien. Voilà. Mais en contrepartie, derrière le backstage, c'est... avoir très jeune une connaissance de la mort. Quand tu vois tes frères et sœurs mourir, quand tu perds tes parents, ben forcément, même les plus hauts privilèges ont un drôle de goût. Ils ont un goût amer. Donc voilà, j'ai une de mes petites sœurs qui est morte. Quand j'avais 4 ans, voilà, mon beau-père est mort quand j'avais 17 ans. La mort est très présente dans ma vie, mais parce que ma vie, c'est la vie, quoi. Donc, voilà, le père de Charline est mort quand elle avait 10 ans. Du coup, toutes les paillettes, toute la brillance, tous les voyages, tous les... Pff, t'as 4 piges, ta sœur est morte, mais putain, tu fais quoi, en fait ? C'est pourri. C'est... Comment tu fais pour avoir le goût de la vie ? C'est surtout ça. Avec Charline, on se dit toujours qu'on a un master en deuil, qu'on est des pros de la mort. Et dans tous ces enfants ultra privilégiés, de familles riches, et que j'ai rencontrés à l'internat, j'ai vu ça. J'ai vu des douleurs, des blessures qui ne se referment jamais. Juste, t'apprends à vivre avec. Et donc, comme c'est un milieu qui est quand même vachement sur l'apparence, t'apprends à faire semblant, à sourire quand il faut. Et donc, moi, mon arme pour survivre à tout ça, ça a été d'avoir le droit d'être une exception, d'être un truc qui moi-même me fait plaisir à regarder dans le miroir, quoi. Parce que si c'est en plus pour être une vitrine et avoir, je sais pas... Moi, j'ai pas envie de cocher les bonnes cases. Moi, demain, toute la vie peut tout me reprendre. Et tout me reprendre, c'est pas mon appart, je sais pas quoi, mon contrat avec tel client, le machin. C'est, je sais, quand je regarde le père de ma fille, que on a de la chance d'être tous les trois. Je me dis, tout ce qui se passe, prends, parce qu'elle se gênera pas pour venir tout te reprendre. À l'adolescence, j'avais pas du tout envie de ce milieu, en fait. J'étais un peu en rébellion contre le matérialisme, contre l'argent, contre la bourgeoisie, contre ces valeurs-là qui me correspondaient pas du tout. Et après, je suis partie très vite, en fait. Je suis partie à 19 ans m'installer aux États-Unis. Et ma période de rébellion s'est manifestée par un style vestimentaire qui correspondait pas du tout au code de mon milieu à ce moment-là. À un moment donné, j'étais partie en voyage linguistique au Mexique où j'avais dégoté une espèce de veste en laine de mouton, mais alors pas du tout traitée. Vous voyez la laine de mouton qui sent encore le mouton. Et c'était devenu mon manteau, complété par voilà, des longs cheveux dégueulasses, des vieux jeans troués, des Doc Martens... ce genre de style. Et j'ai le souvenir d'un cadeau que mon père m'avait offert de chez Hermès, je crois. Il m'avait offert, je sais plus ce que c'était, mais quelque chose de très chic. Évidemment, j'en voulais pas, comme de tous les cadeaux de mon père, je voulais d'aucun cadeau. Donc j'avais voulu le rendre pour acheter autre chose pour ma mère à la place. Et je me souviens d'être rentrée dans la boutique Hermès avec mon manteau en peau de mouton. J'ai le souvenir que ma mère avait cette attitude qui disait « Mais on vous emmerde, mais d'une force, mais vous n'avez même pas idée. » Il y avait quelque chose d'extrêmement galvanisant dans cette attitude-là. Voilà, nous, on peut venir chez Hermès comme on veut et on vous emmerde. Et je pense que ça, c'était aussi un symptôme de ce privilège avec lequel j'étais née, qui, contrairement à ma mère, qui venait pas de ce milieu, parce qu'elle était un transfuge de classe. Mais pour moi, qui avait grandi dans ce milieu privilégié, il y avait cette espèce de sentiment d'invincibilité, en fait, d'être née dans cette classe-là. Je pense que c'est plus facile de se foutre des codes quand on n'en a pas besoin. Le fait de pouvoir obtenir tout ce qu'on veut parce qu'il y a l'argent des parents, est-ce que ça rend difficile l'effort, l'envie de faire, de travailler ? Chez nous, on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Ah non, non, non. Moi, je me souviens avoir réfléchi des semaines avant d'oser demander un truc à ma mère. Mais je voyais mes copines, moi j'étais choc. Le mercredi après-midi, elles allaient faire du shopping avec leur daronne. Allô, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Ma mère s'en battait les couilles, je m'en battais les couilles. C'était pas comme ça qu'on vivait. Et c'est peut-être ma grande chance. On m'a toujours donné le plaisir des efforts. Toujours. Et d'ailleurs, c'est peut-être du coup ce qui a fait que j'ai eu envie de faire tellement de choses et que j'ai été débordée par mes envies de faire des choses. Parce que voilà, je travaillais au club échangiste et je me disais, mais ça c'est ma vie. Bah oui, c'est super, t'as trouvé ta vocation. Mais meuf, t'es folle ou quoi ? Vous faisiez quoi ? Vestiaire. Avant de travailler dans le rap et d'être rappeuse, je m'étais associée avec une fille qui est très douée, qui est prothésiste dentaire, et on faisait des dents en or pour tous les rappeurs. On vivait littéralement sur son petit Vespa, quoi, et on raidait Paname et on allait vendre des dents, quoi. Et j'adorais ça, quoi. Mais en fait, ma mère, ça la faisait rire. Ma mère, elle, rien ne l'effraie. Elle était même contente de pouvoir dire à ses copines, « Ouais, ma fille est rappeuse. Ouais, y a quoi ?» J'avais un rapport compliqué à ma mère parce que j'étais en même temps fière de sa différence et de sa différence sociale aussi. Et en même temps, j'en avais beaucoup honte. Aussi parce que ma mère était vraiment scandaleuse. Enfin, elle avait des comportements qui étaient socialement complètement inacceptables et décalés. Et qui parfois étaient drôles et parfois qui étaient insoutenables. Pour ma mère, psychologiquement, ça a été assez catastrophique de ne pas avoir à s'ancrer dans une nécessité matérielle. C'est-à-dire de ne pas être obligée de reprendre le dessus pour travailler, pour avoir une certaine structure de quotidien. Quand vous n'avez pas besoin de savoir quelle heure il est, quand vous n'avez pas besoin de savoir quel jour on est, et que vous êtes déjà en chute libre, je pense que c'est vraiment catastrophique. Je crois que ça lui a donné les moyens de s'auto-détruire un peu plus et de vraiment perdre pied. Et donc je pense que ma rébellion par rapport à ce milieu était aussi liée à ça, au fait que je voyais ma mère dépendante financièrement de mon père et dépendante aussi de ses conditions de vie luxueuse ou de ce privilège. Et j'observais à quel point ça la détruisait un peu plus au quotidien. J'ai compris des trucs de mon enfance en ayant un enfant. Ma mère est très intimidée par les petits bébés. On lui a pas appris. C'est pas son truc, quoi. Ça lui fait presque peur. Mais je crois que c'est un truc de riche que d'avoir peur des enfants. Ou peut-être que les riches ont compris que c'était crevant de s'occuper de ses propres gosses aussi. Et qu'ils ont juste la flemme de le faire. Et qu'ils emploient des gens. Je sais pas, mais en tout cas, chez nous, il y avait cette distance entre les adultes et les enfants. Dans votre famille, les enfants, dès qu'ils naissent, ils sont mis dans les bras de nurse? Oui. Ça s'appelle des démarreuses. Donc le principe de la démarreuse, c'est de venir habiter chez toi et de faire les nuits. Elle se réveille la nuit pour lui, elle le nourrit, voilà, elle fait tout quoi. Puis elle te le rend à 7h du mat. Et comme ça, toi, en sortie de maternité, tu peux récupérer du sommeil, reprendre de la force, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça, c'est le lot de toutes les meufs de ma famille, mais des milieux privilégiés aussi. Bon, moi, ça, c'est pas du tout... Moi, je veux pas trop d'intermédiaires, quoi. La répétition des tâches, le geste que tu refais, c'est ça l'amour pour moi. C'est pas être grandiose et faire une super fête d'anniversaire. Je m'en fous de ça, quoi. Tous les jours, je veux m'occuper de toi, quoi. Je veux voir ton corps grandir. Voilà. Donc, pas de démarreuse, quoi. Et peut-être pour revenir deux secondes sur l'enfance, ce que ça m'a appris, tout ça, là, c'est que la vie m'offre le fait de pouvoir avoir un enfant. Bah, je me dis, bah putain, allez, meuf, là. Là, faut pas merder, là. Nous passons de la vie à la mort. Nous passons de la vie à la mort. Tu es né dans des draps aseptisés, dans une propre maisonnée, où on te dit soi-disant en liberté. Mais as-tu vraiment décidé que tu es né pour une vie aseptisée? Avec Julia, Mary Royer, Violaine Huissement et Aurore. Documentation Corinne Chauvel, Christine Anzano, Inès Barja. Merci à l'École des Roches pour leur accueil. Prise de son Nicolas Mathias, Yves Lehors. Mixage Régis Nicolas. C'était Vivre avec la solitude, se construire seul, la misère affective des gosses de riches. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Véronique Samuilov. Nous passons de la vie à la mort.